Serafine Hakizimana sur la mise en onde au micro Sylvestine Otoyi. Bonjour mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de son mercredi dont voici les grands titres. 73,11% pour les lauréats des écoles d'excellence et 75,89% pour d'autres écoles. Telles sont les notes exigées pour accéder à la faculté de médecine de l'Université du Burundi, annonce faite par le ministre de l'Éducation lors d'un point de presse de ce mardi. Et le délabrement du boulevard Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana perturbe le transport dans cette route, comme l'a constaté notre reporter. Heureusement que le ministère ayant en charge les infrastructures publiques a promis la réhabilitation des routes de la mairie Bujumbura, menacées par des nids de poules. Réapparition des cas testés positifs au Covid-19 en province Kirundo, qui s'élève à plus d'une cinquantaine en moins d'une semaine. C'est en commune Nega, vous l'entendrez dans ce journal. La chronique sur les messages de haine parle des caractéristiques du discours de découragement. Voilà pour l'essentiel. Page éducation débute ce journal. Il y a une note exigée pour accéder à l'une des 5 pôles d'excellence à l'Université du Burundi. Par exemple, en faculté de médecine à l'Université du Burundi, la note est de 73,11% pour les lauréats des écoles d'excellence et 75,89% pour d'autres écoles, précision du ministre de l'Éducation nationale lors d'un point de presse par rapport à la réalisation trimestrielle du ministère de l'Exercice 2021-2022. C'était ce mardi. François Abdaliman a éclairci que les lauréats des écoles d'excellence sont privilégiés par rapport aux autres et du fait qu'ils proviennent de toutes les provinces. On l'écoute. Et concernant le concours d'entrée dans les pôles universitaires d'excellence, 4361 candidats avaient été inscrits à ce concours, dont 1650 filles ou femmes et 2692 hommes, tandis que le taux de participation au concours est de 87%. Les pôles d'excellence concernés par le concours sont médecine, sciences de l'ingénieur, sciences agronomiques, ingénierie biologique et statistique. Pour la faculté de médecine, les 100 premiers seront orientés à l'Université du Burundi et les 200 suivants seront partagés par l'Université d'Ngozi et l'Université Espoir d'Afrique. La note minimale retenue pour être admis à la faculté de médecine est de 64,22. Cependant, pour la faculté de médecine de l'Université du Burundi, la note minimale est de 73,11% pour les lauréats des écoles d'excellence, tandis qu'elle est de 75,89% pour les lauréats des autres écoles. Ainsi, sur 100 étudiants qui seront orientés à la faculté de médecine de l'Université du Burundi, les lauréats des écoles d'excellence sont au nombre de 40, c'est-à-dire 40%. La note minimale retenue pour ces derniers est légèrement plus petite par rapport à celle des autres pour favoriser l'équité entre les différentes régions de notre pays. Pour la faculté des sciences de l'ingénieur, qui aura un effectif de 150, la note minimale retenue est de 55,33%. Pour la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie, qui aura un effectif de 150, la note minimale retenue est de 42,78%. Pour l'Institut et de statistique, qui aura un effectif de 100, la note minimale pour être retenue est de 50%. Et mesdames, messieurs, il convient de signaler que ceux qui n'ont pas pu être retenus pourront être orientés dans les autres facultés et instituts de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure, bien sûr, s'ils le demandent, et en fonction des capacités d'accueil et d'encadrement des deux institutions. Parlons à présent de la page droit de l'homme, manquant ces jours-ci du bois de chauffage à la prison pour femmes et cellules pour hommes d'Ngozi, conséquence de la pénurie du carburant qui perdure et qui bloque l'approvisionnement des fournisseurs selon les informations issues de ces maisons de détention. Contactés à propos, les responsables de ces prisons ne veulent faire aucune déclaration, mais les mêmes sources proches de ces lieux d'incarcération parlent des conséquences fâcheuses chez les prisonniers, notamment la faim, si cette situation n'est pas résolue dans les meilleurs délais. Apollinaire Mouzagara. De nombreux morceaux d'arbres étaient massés ces derniers jours devant la prison pour femmes d'Ngozi, mais il n'y a aucun stère de bois de chauffage actuel. Les informations issues de cette maison de détention parlent d'une conséquence de la pénurie de carburant ces jours-ci, pénurie qui fait que, selon les mêmes sources, les fournisseurs n'acheminent pas à temps sur bois de chauffe et même des denrées alimentaires. La directrice de cette prison pour femmes d'Ngozi ne veut pas en dire un mot, mais les mêmes sources se poursuivent en disant que les détenus éprouvent actuellement des difficultés pour trouver de quoi mettre sous la dent à cause de ce problème. Certains, pour manger, achètent du charbon de bois de 500 francs, toujours selon les mêmes sources proches de ce lieu de détention. Le même problème s'oppose également à la prison pour hommes d'Ngozi, même s'ils ont, ce mardi soir, quelques terres. Dernièrement, précise les mêmes sources, des détenus ont dû abattre des arbres entourant cette prison pour cuire du haricot. Certains du personnel demandent aux autorités habilitées de trouver remède le plus tôt possible avant qu'il ne soit tard. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Muzagara. Nous continuons par la page transport. Certains usagers du boulevard Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana menant vers le quartier Mutakura éprouvent de gros ennuis dans leur déplacement suite à son délabrement. Ceux qui font le transport des personnes en commun regrettent que l'état de cette route endommage leurs engins. Ils demandent à l'agence routière du Burundi de tout faire pour réhabiliter cette infrastructure. Jean-Marie Mayonga s'est rendu sur terrain. Dans cette route dénommée Adolphe Nshimirimana, qui part du rond-point des Nations Unies vers le quartier Mutakura, est presque impraticable. La partie qui se trouve entre l'église et Bomberger et l'endroit appelé Kwakomine est beaucoup plus endommagée. Les usagers de cette route, notamment les conducteurs des différents engins, disent que l'état de cette route cause la destruction de leurs engins. Cette femme qui habite à Mutakura fait savoir que quand elle veut se rendre en ville, c'est très difficile de trouver le bus car les conducteurs de ces véhicules échappe à cette route, ce qui cause un retard dans leurs activités. Que ce soit les transporteurs et les usagers de cette route, tous demandent que cette route soit réhabilitée dans l'immédiat. Depuis que cette route est en mauvais état, les transporteurs préfèrent emprunter la route Ngagara-Kanyoni, passant par la 12e avenue de Chibitoke, afin de retourner dans cette route. Les routes menacées par des nids de poules en mairie de Bujumbura seront bientôt réhabilitées, promesse du ministre chargé des infrastructures publiques, de l'équipement et de logements sociaux lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours du troisième trimestre de l'année budgétaire 2021-2022. Deogracias Sanganyumwa a indiqué qu'ils attendent le matériel commandé pour ainsi boucher ces trous à l'aide du bitume. Les axes routiers à travers le pays seront réparés, mais ce sont les grandes villes qui seront prioritaires. On l'écoute. Cette problématique du réseau routier de Bujumbura est bien connue. Il y a beaucoup de nids de poules dans la mairie de Bujumbura, surtout dans les quartiers un peu périphériques. Mais ce problème n'a pas été oublié par le ministère chargé des infrastructures. Le ministère en question a déjà fait une commande du bitume et en même temps que la commande des engins pour réhabiliter ce réseau routier. Et je vous dirais qu'au niveau de la réhabilitation du réseau routier, deux programmes ont été adoptés par le Conseil des ministres. Il s'agissait d'abord du programme des travaux courants manuels d'entretien du réseau routier où les grands axes routiers à l'intérieur du pays devraient être réhabilités, entretenus à travers les travaux manuels. Donc ce programme a déjà débuté avec 9 routes nationales dont je vous ai déjà cité. Mais le deuxième programme, Zéro Nid de Poule, n'a pas encore démarré. Par le fait que le bitume commandé n'est pas encore arrivé, mais également les engins lourds commandés de l'Europe ne sont pas encore arrivés. Dès que ces matériaux arrivent, je vous dirais que les grandes villes telles que la mairie sera prioritaire et pour d'abord boucher tous ces nids de poule avant d'entamer les axes et routières à travers le pays. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Nous continuons ce journal et par la page santé, où plus d'une cinquantaine de personnes ont été testées positives au coronavirus dans un mois d'une semaine et sur certaines collines de la commune Nega en province de Kirundo. Lors d'une réunion de sécurité tenue dans l'après-midi de ce mardi sur la colline Sassa, qui est parmi les 4 collines menacées par cette pandémie, le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, a ordonné la fermeture des cabarets et restaurants dans une période de 2 semaines. Il a également appelé la population des collines touchées par cette pandémie à répondre massivement à la campagne de dépistage qui commence ce mercredi. Les détails avec Abraham Safari. Dans la réunion de sécurité tenue ce mardi dans l'après-midi par le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, sur la colline de Sasa, en commune de Nega, une vague de contamination au coronavirus a été remarquée ces derniers jours. Selon les sources sur place, plus d'une cinquantaine de personnes ont été testées positives dans moins d'une semaine. L'administrateur de la commune de Nega, Pierre Claver Mbanzabugabo, a précisé que les collines les plus touchées sont Sasa, Mongue, Bulinganire et Nega. Cette situation est inquiétante selon lui, car la propagation se fait à grande vitesse compte tenu du moment où le premier patient a été détecté. Il signale que l'origine de cette propagation est une enseignante de l'une des écoles fondamentales de Nega qui a été testée positive vendredi de la semaine écoulée. Dans un premier temps, dans un groupe de personnes qui ont été en contact avec elle, 14 personnes avaient été atteintes du coronavirus. Malheureusement, selon cette autorité, des gens se font dépister à compte-gouttes sur tous les hommes. Ici, le gouverneur Albert Hatungimana a demandé à la population des collines de Sasa, Mongue, Bulinganire et Nega de se faire dépister, surtout lorsqu'ils sentent des signes de COVID-19. Des mesures comme la fermeture des cabarets et restaurants seront prises temporairement à partir de ce mercredi dans une période de 2 semaines. Le gouverneur Albert Hatungimana a mis en garde toutes les personnes qui ne respecteront pas ces mesures que les sanctions seront prises conformément à la loi. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safar. Quittons la province Kirundo pour nous rendre en province Bubanza où 3 maisons de présumés sorciers sont déjà détruites depuis la semaine passée sur la colline Murengeza. C'est en commune Manda. L'administrateur communal met en garde les auteurs de ces forfaits et recommande de les reconstruire. Nadine Nibitanga l'a dit ce mardi lors d'une réunion de pacification sur la colline Murengeza. Space Caritas Kabanyana pour les détails. Au cours de cette réunion de pacification tenue ce mardi sur la colline Murengeza en commune Manda, et l'administrateur de cette commune et le chef de zone Moussegni ainsi que le commissaire communal de police, tous ont recommandé à la foule qui était présente d'arrêter sans tarder le comportement de destruction des maisons des présumés sorciers. Et 3 maisons de 3 familles sont déjà détruites depuis la semaine passée sur cette colline, selon l'administrateur de la commune Manda, Nadine Nibitanga, a mis en garde les auteurs de cette destruction et les a recommandé de reconstruire ces maisons, tout en précisant même que les listes sont déjà établies. Elle a demandé à la population de ne pas se faire justice et une mise en garde particulière a été donnée à toute personne qui va encore oser détruire une maison d'un présumé sorcier, qu'elle sera sanctionnée comme un malfaiteur conformément à la loi. Les responsables administratifs demande à la population en général de se diriger vers des structures de soins reconnues par l'État quand ils sont malades au lieu de s'en prendre aux présumés sorciers. Space Caritas Kabanyana sur la colline Murengeza, Radio Isanganiro. Retournons en province Kirundo où certains habitants de la colline Bulinganire de la commune Nega se lamentent de la recrudescence du vol dans les champs et ménages. Sur cette colline, ils réclament l'implication accrue de l'administration pour éradiquer ces cas de vol. Cela a été déclaré lors d'une réunion de sécurité tenue ce mardi sur cette colline. L'administrateur de la commune Nega interpelle la population à collaborer avec les comités mixtes de sécurité pour éviter de se faire justice et plutôt de faire comparaître un voleur attrapé devant les forces de sécurité. Les détails d'Agnès Naomagaz. Cette population de la colline Buringanire dit que ce cas de vol a causé de la famine dans les ménages car cela vise les moyens d'existence de ménages et qu'il leur est difficile de trouver de quoi nourrir leurs enfants, surtout les bananes et les maniocs dans leurs champs à cause du vol. Ils ont aussi indiqué que 10 cas de vol ont été signalés dans un mois dans cette localité et qu'ils craignent que cela pourrait perturber la sécurité car derrière le vol, il existe d'autres mobiles. Il demande la contribution de l'administration pour éradiquer les cas de vol. Mbanzabugabo Pierre Claver, administrateur de la commune Nega, interpelle la population de collaborer avec les comités mixtes de sécurité et surtout d'éviter de se faire justice. Il a déclaré cela sur base des cas de justice populaire survenus et qui ont entraîné la perte d'une vie humaine il y a un mois. Banzabugabo, Pierre Claver, a aussi demandé à la population de pointer le doigt des suspects en cas de vol. Il a aussi indiqué que les voleurs arrêtés se sont engagés à payer les biens qu'ils ont volés dans les ménages. Depuis Kirundo, Agnès Ntamagadze pour la radio Isanganiro. Restons en page sécurité où pas de marchandises frauduleuses ou contrebandes saisies par les administratifs et les corps de défense et de sécurité en province de Muyinga depuis le début de cette année. Inquiet de cette situation, l'OBA a organisé à l'orientation une réunion de sensibilisation sur le civisme fiscal ce mardi au chef-lieu de la province Muyinga. Toutefois, le gouverneur Barutonayo tranquillise et déclare que la fraude a été combattue à 95% dans sa province. Pierre Claver, Warundi depuis Muyinga. Aucune saisie de marchandises fraudées ou en contrebande n'a été opérée par les administratifs et les forces de l'ordre et de la sécurité en province de Muyinga depuis le début de cette année en cours. Le constat a été fait ce mardi par les services de l'Office burundais des recettes dans une réunion de sensibilisation sur le civisme fiscal organisée à l'intention des administratifs et les représentants de ces deux corps. Stani Yendakumana, porte-parole de l'OBR, demande à ces derniers de soutenir davantage les activités de cet office. Nous l'avons traduit en français. Continuons sur notre bonne lancée de donner impôts et taxes de notre propre gré et conformément à la loi pour bâtir notre pays. Et j'en profite pour sensibiliser les administratifs et les corps de défense et de sécurité en province de Muyinga. Soutenez les activités de l'OBR. Quant au gouverneur Jean-Claude Baltoanayo, il indique que la fraude a été sérieusement combattue. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais la fraude a été combattue à 95%. Toutefois, le gouverneur Baltoanayo reconnaît qu'il est pratiquement impossible de lutter contre la fraude et la contrebande à 100%, étant donné de nombreuses ouvertures sur les frontières avec la Tanzanie et le Rwanda. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Le discours décourageant contient des messages dévalorisant les membres de l'autre groupe avec l'intention de les rabaisser. Acharnio Niziguiye, consultant en leadership, précise que cela crée des tensions entre ceux qui lancent ces messages et le groupe attaqué. Il conseille à ceux qui prononcent ces messages d'éviter de globaliser et surtout de bien réfléchir sur les conséquences avant de parler. Le détail de cette chronique sur les messages de haine avec René Lamoucho. Le discours décourageant décrit un groupe de personnes d'une façon négative avec l'intention de le rabaisser ou de le dévaloriser. Acher Nyonidiguié, consultant en leadership, précise que le groupe attaqué se sent méprisé et offensé, ce qui crée des tensions et à la longue des violences de masse si rien n'a été fait pour contrecarrer. Il y a des gens qui ont plus d'autorité que d'autres, des gens qui ont plus d'influence dans la société. Et quand ils parlent, ceux qui croient en eux, ils ont tendance à croire ce qu'ils disent sans se poser des questions. Mais si vous êtes un citoyen ordinaire, et d'ailleurs si vous êtes très ordinaire, vous n'aurez même pas de plateforme pour que votre message puisse atteindre un grand nombre de personnes. Mais d'autre part, ça dépend aussi de la façon dont les gens qui écoutent reçoivent le message. Donc ça peut créer cette sorte de dissension entre les groupes sociaux, en mettant le groupe qui a été attaqué dans une position inférieure, dégradante par rapport à d'autres groupes. Et cela peut facilement apporter un climat de méfiance et même d'animosité entre les groupes sociaux. Les récepteurs doivent être prudents et prendre le temps de vérifier avant d'accepter ce qui a été dit. Il faut que ceux qui écoutent soient prudents, qu'ils exercent leur sens de jugement critique, parce que tout ce que les gens racontent n'est pas nécessairement vrai. Parfois, les gens parlent à partir de leurs propres blessures émotionnelles ou de leur ignorance. Donc, c'est très important de ne pas tout accepter. Il y a beaucoup de choses incorrect, voire stupide, qui circule, que les gens racontent. Donc c'est très important que les récepteurs se posent des questions. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que vraiment la personne a communiqué un message qui mérite d'être communiqué? Est-ce que les gens dont on parle sont vraiment comme ça? Est-ce que ça s'est vraiment confirmé? Y a-t-il des études qui ont été faites pour le prouver? C'est ce genre de questions en fait qui va faire que Ceux qui écoutent vont recevoir le message d'une façon responsable et rejeter ce qui n'est pas correct. Et ceux qui annoncent ces messages doivent éviter de globaliser pour éviter de semer la haine au sein de la société. Mais pour ceux qui lancent ces messages, il est vraiment très très très important que ceux qui le font cessent de le faire. Parce que cette culture de globalisation fait beaucoup de victimes. Quand vous dites que tel groupe est comme ça, combien de gens dans ce groupe est-ce que vous connaissez vraiment? Généralement, c'est une globalisation qui ne part que d'un individu ou de deux, à la rigueur, mais qui n'a rien à voir avec la majorité des gens qui sont dans un groupe. Et pour cette raison, avant de parler d'un groupe, il faut vraiment s'assurer que ce que vous allez dire peut être prouvé sur chaque individu de ce groupe. Si ça ne peut pas être prouvé sur chaque individu, alors il ne faut pas globaliser. Il faut trouver une autre formule de communiquer votre idée, mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac, parce qu'il n'y a aucun groupe dont les membres sont totalement homogènes. Le meilleur moyen de déconstruire ce comportement, c'est d'avoir d'autres opinions de ceux qui pensent autrement, afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue, ce qui va faciliter les écoutants à faire leur propre jugement, selon Asher Nyonidigye, consultant en leadership. Merci. Ornella Mouchoïse par les détails de cette chronique sur les messages de haine que nous mettons en point final à cette édition de la mi-journée de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration. Merci à Francine Ndiokoubraï pour la réalisation de ce journal. Vestine Boutoué, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.